Allez. C'est bon? Ouais. Bah alors c'est parti. Et bah alors si c'est parti alors que c'est bon, c'est bon. C'est parti? Oui. Alors c'est parti. Et même si tu n'as que 15 ans, que tu as encore toutes tes dents, la vie sans toi est un refrain que je peux chanter sans les mains. Et même si je ne suis pas très beau, Mike Brandt à San Francisco, il n'était pas non plus très beau, Mike Brandt à San Francisco. Malgré mon amour de passage, tendance à oublier ton âge. Manger du fromage périmé, choper la chiasse et s'en aller. Et même si je ne suis pas très beau, Mike Brandt à San Francisco, il n'était pas non plus très beau, Mike Brandt à San Francisco. Est-ce que toi tu m'aimeras, Mike Brandt à l'Olympia? Lui non plus, il t'aimait pas. Oh, mais bon, t'es à l'Olympia. Pas très bon, Mike Brandt à San Francisco, il n'était pas non plus très beau, Mike Brandt à San Francisco, San Francisco, San Francisco, San Francisco, oh, si vous allez à San Francisco, vous y verrez des gens que j'aime bien, tous les hippies de San Francisco. Je ne suis pas très beau, Mike Brandt à San Francisco. Mike Brandt à San Francisco.